Jusqu'au bout, on partait en province, fougueux dans les trains, on était plein. Lyon, t'inquiète, je sais que tu t'en souviens. On a posé un peu partout nos griffes, nos empreintes. Petit projet comme des gros, on a pété les enceintes. On a refusé personne, on a sucé personne. Toujours là, du rap un peu de Zetla malgré ça. On s'est fait boycotter par les médias, on nous l'air ex dur comme la drogue. Certains ont voulu nous tester, s'en souviendront encore. Une pensée à nos soldats disparus. Laurent, perds ton âme, le quartier te pleure encore. Un cœur en or, mais ton courage n'a pas d'égal. Comme quoi y'a des hommes loyaux. Puis y'a eu des freestyles rapaces dans les halls pour finir chez Jack et Brown. Mais ça, qui s'en souvient, peu de gens le savent. Une carrière dans l'ombre, loin des strass et des paillettes. Le rideau est tombé sur un théâtre clandestin. Fini les représentations. On partira tous dans un cercueil, disque d'or ou pas dans la soupe. Seuls les diamants sont éternels, n'y a aucun doute. La force du nom, la force du nom. Si on doit repartir, c'est avec la fierté d'une bombe. On est des groupies de quiconque. On nous ferme les portes, mais on les ouvrira avec la rage de King Kong. Des millionnaires qui rappent, c'est pas crédible ça. Renoir, bouge, c'est la rue te chie dessus, promis. J'arrêterai si la foule me tourne le dos, promis. J'arrêterai ma carrière déjà compromise. Ouais, mes frères, c'est pas rap depuis la classe primaire. Premier vol au premier garde, pas on émerge. Le quartier dans les veines proteste. Derrière un micro représente nos rêves. Avec l'instinct animal, écorché jusqu'au bout de nos lèvres. La faim est plus grande que les moyens, donc on pisse la fraîche. Fidèle au poste pour ma famille, cache mes plaies. Toujours engagé dans la durée pour qu'on place nos têtes. La route est longue, dure et pénible. Capouche, moi et béli. Parcours de mal béni, trop la dalle dans ce pays. La gloire peut la mérite, on rappe dans le risque et péril. Depuis ennemi d'état, je péris. Le temps est passé comme une vieille série. Toujours à contempler la même merde, ici la délinquance te nourrit. Toujours la fierté pour nos frères qui se battent en Palestine. Résiste à l'occupant humilié. On garde le cap sur le hardcore et les putes vacillent. Ils sont du sperme sur les canines, ces fils de biche. 10 biches qu'on part au casse-pipe, casse les titres. La discipline s'installe en TTI. J'm'en bats les couilles, viens en cash, petit j'arrache les titres. Plus rien à prouver dans le peurage, je sais que c'est tous des buts. À part les vrais que j'tiens en estime et qu'on se tape des filles. Nique les chiffres, les gros enflamment ton bloc de chiffres. C'est fuck les flics, 4 soyennes c'est fuck les flics. J'suis de l'époque, criminalité qui sort des 10. J'suis pris au piège dans la tour de bois comme Bruce Willis. Moi et mes frères pour mon ghetto. Un foutu rêve, une foutue guerre. Crois en rien, génération Nova, flamme au fusil. Décennie à crever, traquant le succès. Mon manonyme, se réfugiant dans le sky, noyé dans l'ulcère. Toujours plus de rimes, toujours plus de rides. Premier coffre pour un sampleur, premier texte en garderie. Cause jamais mort, je bloque à la GAV. Rappant nos vies dans 208, rêve de semi, de 200 000, ne rien lâcher. Même si on n'a plus rien à perdre, obligé de rien, par un 16, finir au père la chaise. Je rappe vrai pour les gars de mon quartier. Faire du bruit pour les grands qui ont porté nos quartiers. Un cri de guerre en bas des tours. Trop de frères en bas des tours. Crime et balles perdues en bas des tours. Uniforme, on s'en bat les couilles, on baise les bourres. Vengeance et rap dans la peau comme Jason Bourne. Une vie de merde parmi les yens. Hommage aux 400, baisse les 300, victoire, couleur et peine. La douleur de mes frères ma peine, leur sang c'est ma plaie. Proche de l'enfer comme les couilles à John McClane. J'ai pris le temps de grandir, j'ai mis les gants. Pilotant le bandit, écrasant Gandhi. Le prix Nobel de la paix, fini à coup de pelle. Sa sincérité oblige dans la prise de sang de ce putain de couplet. Dans ma team que des têtes sales restées intègres, ouais, criminel ouais. Notre rap sorti tout droit des ténèbres sombres. Et la musique, la couleur de nos vies. La rapacité de nos pensées, l'univers dans lequel on vit. Les gains toujours en place, frère. L'esprit du clan, la famille. J'oublie pas ces fils de pute, de jaloux qu'on pas cru en nous. C'est pas ici, lié par le sang depuis tout petit. Tout est écrit, 400 yens étaient précis. Précieuse est mon amitié, nos récits. Latino, la hyène, cappuccino, blanco, béni. Soldat du bois pour la vie.